Avec les autres, je t'ai vu faire. Avec un cœur, mais sa maîtresse. Toi, t'es son infirmière. Dis-moi, ça fait combien de temps? T'as pas vu le jour de la lumière, pas mis de beaux vêtements. C'est toujours le même plan. Tu fais semblant pour leur plaire. Tu veux ton chiffre d'affaires, ouais, t'aimerais vivre secrètement. Moi, je suis pas pour un engagement. Si jamais je dis sagement, un client, un massage, fais le bouger. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Fais ton sac, je vais te faire changer de vie. Lola, je te promets. T'étais moins bien dans ta maison close, ma Lola. J'ai vu tes tatoues de cowboy dans le cœur. Ça m'a fait des dégâts de savoir qu'ici c'était chez toi. Jamais nous personne ne connaît. Quand t'as pas besoin de te faire pardonner. Jamais nous personne ne connaît. Je partirai le jour où tu seras loin des braconniers. T'es éloigné de sa vitrine. Ensemble, on va faire des loopings. Et vu comment ça se goupille. Personne ne gérera plus ton booking. Fini les rendez-vous. Laissez passer des calés-vous. Ça fait longtemps qu'on lui a pas.